À l'occasion du 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il, la maison d'édition Dipagraph de l'Équateur a fait paraître en brochure le rapport d'activité du comité central prononcé par le dirigeant suprême Kim Jong-un au 7e congrès du Parti Travail de Corée.